Stephen King aime les lacs, Stephen King aime les marais noirs, Stephen King a écrit Le Radeau et Michael Gormick l'a adapté. Tous et à toutes, bienvenue dans le vidéoclub de Castle Rock. Salut Chris. Salut. Comment vas-tu depuis le dernier enregistrement qui remonte à il y a 2 semaines? Tu sais que tout le monde sait qu'on les enregistre de par deux maintenant. Comme Gérard. Oh là là là là là là. Cette blague, mon Dieu. Ouais, je sais. Mais oui, ça va. Je suis toujours puni face à mes étagères, parce qu'on enregistre dans des conditions très particulières. Là, on s'est disposé. On verra ce que ça rend niveau son, mais je pense que ce sera mieux que les quelques derniers. C'est un peu plus... C'est vrai que depuis qu'on a perdu mon ancien appart, on est un peu en train de chercher niveau son, comment s'organiser. Du coup, en face de moi, j'ai Kingdom Hospital et Le Fléau. Mm. Les deux adaptations avec, à côté, L'Hôpital et ses fantômes, le coffret. Tu vas avoir des trucs moins glorieux aussi, connaissant ta DVD Tech. Ah bah j'ai mon curé chez les nudistes là. C'est vrai, en plus t'es appuyé dessus. mais ça c'est un chef-d'œuvre. Voilà, et j'ai Vampire Girl versus Frankenstein Girl juste à côté. Celui-là il est pas ouf. Voilà. C'est dommage. Parce qu'il y en avait bien dans ce genre-là, mais celui-là il est pas ouf. Oui bah écoute. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle appelée Le Radeau, The Raft en VO, publiée d'abord en 82 dans le magazine Galerie et en 85 dans le recueil Brume. Puis de son adaptation dans un des segments de Creepshow 2, un film sorti en 1987 de 92 minutes, réalisé par Michael Gormick. On va spoiler, mais bon, c'est une nouvelle courte, hein, elle fait 50 pages à tout casser. Oui. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Et bah alors, oui. Donc la nouvelle nous raconte l'histoire de 4 adolescents, 2 couples qui profitent de la fin des vacances pour aller se piquer une dernière tête dans un lac et qui donc nagent jusqu'à une sorte de radeau fixé au milieu du lac qui permet de se reposer pour les nageurs. Mais une fois qu'ils y sont, ils se rendent compte qu'il y a une espèce de blob marée noire, comme une flaque d'essence qui serait vivante en fait, qui approche d'eux et qui semble les guetter comme si elle les considérait comme une proie, et effectivement, elle va commencer à les dévorer un par un. La nouvelle avait connu une première version très tôt dans la carrière de King, en 69, avec une nouvelle qui s'appelait The Float, qu'il envoie à un magazine qui s'appelait Adam. Et visiblement, c'est une nouvelle qui lui a été achetée, parce que King a reçu pour cette nouvelle un chèque de $250, qui l'arrangeait, hein, parce qu'il venait en fait d'être arrêté et mis en tôle pour avoir déplacé des cônes routiers qui avaient endommagé sa voiture. Donc il était peut-être bourré, en tout cas il était pas content. Il avait déplacé les cônes, la police était venue le chercher, l'avait mis en prison et avait mis une caution pas très élevée mais qu'il pouvait pas se permettre à l'époque, sauf qu'il a touché ses $250 qui l'ont aidé. Mais par contre, elle lui a été achetée, mais il n'a jamais réussi à retrouver le magazine dans lequel elle aurait été publiée, donc peut-être, soit qu'on ne lui a pas envoyé de copie, et qu'il s'en est pas procuré, ou alors qu'elle n'a jamais été publiée au final, pour une raison ou pour une autre. Ouais. Et visiblement, de ce qu'il s'en souvenait, parce qu'il n'en a plus vraiment de traces, ça aurait été une première version de ce qui est devenu, 13 ans plus tard, Le Radeau. Mais voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a en élément de contextualisation, parce que comme avec la plupart des petites nouvelles, pour avoir des avis, des trucs comme ça, c'est très très elliptique, très très faillible. Et on va passer tout de suite à notre avis à nous. Bah écoute, Le Radeau, c'est ça rejoint en fait la longue famille des nouvelles qui sont appréciables pour le côté horrifique, pour le côté mise en situation rapide et efficace. Ça rejoint pour moi la même famille à peu près que Le Dentier. En fait, si on peut se souvenir de celui-là. Oui. Qui fait partie des tout premiers épisodes hein, qu'on ait fait, hein, le dentier, de mémoire. Ça remonte, ouais. Ça remonte à loin. Hein. Ouais, ouais. Et pour moi, le radeau, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, tu prends plaisir au moment de la lecture. La caractérisation des personnages est absente, voire quasi nulle. Mais voilà, ça se lit bien, c'est agréable à suivre. Et une fois que tu l'as lu, le lendemain, tu commences déjà un petit peu à l'oublier pour l'avoir totalement zappé un mois après. Mais, quoi qu'il en soit, sur le moment, c'est pas un mauvais moment de lecture à passer. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. La menace est quand même pas mal trouvée. Oui, comme souvent avec ces nouvelles-là, hein, il y a quand même une bonne idée. Et comme c'est assez court, ça file assez droit. Hein. Oui, en fait, c'est de là que vient le plaisir. C'est que la menace est bien trouvée, sa manière d'agir l'est également, et les meurtres sont plutôt graphiques. Donc oui. Au final, tu passes à un bon moment horrifique. Hein, oui, c'est de la nouvelle des fous. Voilà, clairement. Hein. Exactement comme le dentier. Mm. Donc, et comme d'autres nouvelles là que j'ai plus en tête, mais qu'il a pu écrire. À la limite, il y a la scène de cul qui est inutile dans cette nouvelle. Oui, oui, oui. Très, très malaisante. Vraiment, quand je l'ai lu, je me suis dit, non mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Ouais. C'est limite aussi malaisant que celle de ça, quoi. Alors, oh, pas à ce point-là, quand même. Alors, un peu moins, parce que là, oui. Les personnages sont majeurs. Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Oui, elle est clairement déplacée, ouais. Donc, ouais, c'est une nouvelle... Après, c'est une nouvelle qui est en 82, donc il en écrivait effectivement pas mal, mais comme ça, à l'époque. Il contactait encore beaucoup les magazines de nouvelles. Et ouais, elle est pas méga mémorable, mais elle est pas nulle, elle est loin de l'être. Oui, voilà. Forcément, inspiration du film The Blob, forcément. Vu la forme du machin, oui, la manière d'absorber les gens. Voilà, le côté absorbe, le côté... en fait, t'es dissous quand t'es absorbé. Mm-hmm. Parce que c'est plutôt bien décrit quand il en chope un par le pied, là, en faisant... Quand le blob en chope un par le pied, en passant par les rainures du bateau, enfin du radeau, tu comprends bien que ça te dissout, en fait. C'est vraiment, t'es inspiré. Donc, grosse inspiration du film de 58 avec Steve McQueen. Par contre, j'ai oublié le nom du réalisateur, tiens. De The Blob. Je ne sais plus, j'ai jamais été fan des différents films The Blob. Moi j'aime beaucoup, mais voilà. C'est étrange, parce qu'il y a tout pour que ça me plaise, mais j'ai jamais adhéré. Alors comment ça se fait? Je ne sais pas, je n'en ai pas dedans. Pour le coup, le premier a pris un coup de vieux. Le rythme est très très lent, c'est très posé. Le premier est bien plus science-fiction qu'horrifique, contrairement au remake des années 90 de Chuck Russell. Que lui est un film que j'aime beaucoup, en revanche. Et le second, donc Beware the Blob, qui lui est plutôt une comédie, avec un petit peu d'horreur. Ouais, non mais j'ai vu les trois, il n'y en a aucun des trois qui m'a marqué. Et moi j'aime vraiment beaucoup les trois. Avec clairement une préférence pour le remake de Chuck Russell. Après, ça va bien peut-être finir par revenir aussi, the Blob, au final. Qui lui est très très gore, par contre, hein, le remake... Oui. Il s'est lâché. C'était l'époque. C'est à l'époque, il y en avait beaucoup des trucs. Ouais, mais ça se permettait quand même des choses que même à l'époque, hein, genre buter des enfants à l'écran, ça a toujours été plus ou moins un tabou, mais il y a quand même quelques œuvres qui le tentent, c'est bien. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup les trois films The Blob, j'aime beaucoup. Moi, sur le radeau, j'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, parce que voilà, on est typiquement sur une nouvelle assez oubliable, au final, auquel j'ai rien de majeur à reprocher, à part la scène de cul. Bah voilà, c'est ça, on est d'accord. On est totalement d'accord. Du coup, on passe tout de suite à l'adaptation. Ah oui, parce que de toute façon, même au sein même du recueil dans lequel elle est, c'est même pas la meilleure nouvelle. Donc, oui. C'est-à-dire, on va pas vous dire d'acheter le recueil Brume pour le radeau. Non, clairement pas. Déjà, rien que la nouvelle porteuse du recueil, c'est-à-dire Brume, est clairement supérieure, mais oui, même si après... Oui, malgré les réserves que j'ai dessus, clairement. Et même si on est quand même plus proche d'un roman pour Brume que d'une nouvelle, hein, faut pas déconner non plus, ça fait plus de 200 pages. Mais, voilà. Mais dans mon souvenir, c'est sur Brume qu'il y a la nouvelle sur l'autocannibalisme, donc rien que pour celle-là, ça peut valoir le coup. Tiens, ça me dit rien, ça. Alors, j'ai pas lu toutes les nouvelles de The Brume, parce que j'étais en train. Ouais, Le goût de vivre. Ah, bah je l'ai pas encore lu. Elle est très bien. Parmi les très bonnes, il y a... Tiens, si tu peux me passer le recueil. Ouais, je jette un œil. Bah, le raccourci. Le raccourci de Madame Todd. Voilà, qui est excellente, qui est une très très bonne nouvelle. Elle est dedans. Bah, le singe, je l'ai pas encore lu, vu que je sais qu'elle a été adaptée, donc j'attends qu'on tire l'adaptation. Et dans mon souvenir, Machine Divine, un traitement de texte, elle est vachement bien aussi. Oui, elle est bien, et lui aussi, il est adapté. Ouais, Mémé aussi, je crois qu'elle est adaptée. Mais bon, oui, il y a de très bonnes nouvelles dans Brume, dont l'exécution, l'excursion, tiens. Ah oui, oui. Une très bonne nouvelle, pas horrifique, de la pure science-fiction, pour le coup. mais très très bien. Sur le voyage instantané, en fait. La téléportation. La téléportation, elle est vraiment cool, celle-là. Ouais. Bon, voilà, on va passer direct au film, hein, dans ce cas-là. À la limite, si vous trouvez ça trop court, financez-nous et on réfléchira à une version longue. Bah non, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire d'une nouvelle de 50 pages qui ne casse pas trois pains dans un canard? Donc, c'est parti pour Creepshow 2. Le retour. Maybe you don't get out much. Oh, this is crazy. Come on, it's not so bad once you're in. Or maybe you just have other things on your mind. But few like movies that will keep you stuck to your chair. Stephen King and George Romero have conjured up an all-new Creepshow just for you. Creepshow 2. I mean, what is it? I'm gonna swim for it right now. So don't just sit there. Walk. One more step and blam! Run. That's impossible! Swim if you have to. I got you! But whatever you do, don't take your time. Cause the scares come twice as quickly in... I beat you! Creepshow 2. Donc, Creepshow 2 fait suite à, évidemment, Creepshow dont nous avons déjà parlé, précède Creepshow 3 dont on a déjà parlé, dont on ne va pas reparler. Dont on a malheureusement déjà parlé. Donc, ça a choisi le même format que le premier Creepshow, à savoir des histoires horrifiques, un peu comiques, façon magazine des années 50, avec aussi l'illustration via vraiment images de magazine, ça reprend cette idée-là pour les transitions. Ouais. Il n'y a cette fois-ci que trois histoires, ce sur quoi on va revenir un peu après. Il y a un gros livre qui existe sur la production de Creepshow 2 que je ne me suis pas procuré, qui est écrit par Lee Carr, et qui est déjà qui vient de sortir. Il y aurait eu les frais de livraison et un temps de livraison assez énorme. Et pour être parfaitement honnête, j'avais un peu la flemme de lire 300 pages sur Creepshow 2, qui n'est pas si extraordinaire que ça. Surtout que les pages auxquelles j'ai eu accès, j'ai l'impression que niveau traitement des interviews, ça reprend vraiment au mot près ce qui a été dit. Et c'est chiant, en fait, de lire quand ça supprime pas les hésitations de l'oral et compagnie. À l'écrit, je trouve ça vite chiant. Ouais. Pour moi, il faut réécrire une interview quand tu écris, en fait. Oui, une interview, normalement, t'écris les hésitations, t'écris les silences, t'indiques tout. Justement, pour moi, il faut mieux réécrire un peu, histoire que ce soit plus aisé à lire, parce que si t'écris toutes les hésitations, tous les « e », toutes les fois où les personnes répètent 10 fois le même mot, alors non, oui, à lire, je trouve ça désagréable. Pas les « e », mais t'indiques quand il y a un silence, t'indiques quand il y a un rire, voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, ça oui, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est limite une intelligence artificielle qui a fait la transcription, quoi. Ah oui, comme une retranscription d'un procès, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas quelque chose qui m'a l'air très agréable à lire, mais après, je me trompe peut-être, j'ai eu accès qu'à certaines pages test venues du Kickstarter. Oui, c'est vrai que c'est un projet Kickstarter. Toujours est-il que c'est un film scénarisé par George Romero, mais Romero ne veut pas le réaliser. Alors, apparemment, c'est peut-être aussi qu'il n'avait pas le temps, mais il n'avait pas non plus des masses en ville, il était sur d'autres trucs. Pendant un temps, il y a Savini qui est envisagé, mais Savini va préférer aller lui aussi sur d'autres projets, même s'il sera en renfort ici. Donc c'est Michael Gormick, le directeur photo du premier, qui va s'en occuper. Bah, Savini, c'est pas à ce moment-là qu'il commençait à réfléchir à... Bah, à son remake de l'Ami des Morts-Vivants, voilà. Oui, si, c'est ça. Et bon, du coup, je lui pardonne de ne pas avoir fait Creepshow 2, parce que son remake est très réussi. Il est très bien, son remake, pour le coup. Il va faire le choix, Michael Gormick, de s'éloigner de l'aspect assez stylisé visuellement du premier, notamment toutes les lumières éclatantes qui donnaient un aspect comics en fait à l'image dans le premier. Lui, il va le supprimer. Apparemment, c'était un truc qu'il n'avait pas convaincu lui-même dans le premier. Il va aussi mettre la pédale douce sur le gore et sur la vulgarité pour faire un film en fait beaucoup plus accessible au grand public, donc beaucoup plus BD horrifique, mais pour vraiment jeune public. Comme la série télé Creepshow, ouais, originale, quoi, qui était pas non plus pour enfants, mais qui visait un public plutôt, on va dire, ado, jeune adulte, quoi. Oui, bah pour que ce soit diffusable à la télé. Hein, voilà. La production est lancée après quelques années après l'écriture du scénario, en partie grâce à l'appui de New World Pictures, la société de production de Roger Corman. À l'origine, le film aurait dû contenir 5 segments. En fait, il y en a 2 qui ont été coupés pour des raisons budgétaires. Il y en a un qui sera réutilisé plus tard, parce qu'il y avait Le Chat Noir dedans. Donc, ah. Il est repris dans Darkseid et Contes de la Nuit Noire de Harrison, dont on a déjà parlé. C'est pour ça que Romero se retrouve au scénario. En fait, Romero n'a pas été impliqué vraiment dans Darkseid. C'est juste qu'on a repris son scénario qui datait de plusieurs années auparavant. C'était pas trop mal dans mes souvenirs. Il est bien classé, hein, Darkseid. On avait passé un bon moment devant pour ce. Non seulement ce segment était bien, mais les autres étaient cool aussi. Ouais. Et l'autre segment, là, qui aurait dû être sur une idée de King, même si c'était Romero qui avait écrit le scénario en lui-même, l'idée de base était de King, ça s'appelait Pinfall, et c'était une histoire de zombies qui jouent au bowling en finissant par jouer avec leur tête. D'accord, donc purement de l'horreur comédie horrifique. Le segment n'a pas été tourné parce que, raison de budget. Il y a eu un financement participatif en 2015 par des fans pour le filmer, mais ça n'a pas abouti. D'accord. Ils n'ont pas réuni le budget. Et l'année suivante, par contre, il y a une adaptation en BD qui a été faite de ce segment et qui est présente dans l'édition collector sortie par Arrow Pictures du film. D'accord. Qu'on n'a pas eu en France. Non, qu'on n'a pas eu en France. Bah, le film est chez nous étant distribué par Backfilm. Alors l'édition qu'on a est pas dégueulasse. Mm. Mais après, Backfilm étant quand même un éditeur plutôt petit. Ouais, c'est pauvre en bonus comme édition, on va pas se mentir. Hein ? Elle est pauvre en bonus, notre édition. Hein. Oui. Après, au moins visuellement, elle est pas dégueulasse. Ça. Oui, c'est ça. Le livret a quelques défauts à l'intérieur, mais extérieurement, c'est pas dégueulasse. Le budget est de 3,5 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme même pour l'époque. Le tournage s'est fait majoritairement en Arizona pour les deux premiers segments. Les deux premiers segments, c'est le radeau et le vieux chef indien. Oui. Et dans le Maine pour le troisième, qui n'a rien à voir avec King, mais il a été tourné dans le Maine, et c'est pour ça que King y fait un caméo. Oui. Par contre, dans le dernier segment, il joue à un chauffeur routier. Camionneur, ouais. Le casting est constitué de pas mal d'acteurs débutants ou pas très connus. On va mentionner quand même les deux gros acteurs, en fait, les deux gros acteurs du film qui sont dans le premier segment, donc le vieux chef indien, le vieux chef tête de bois, pour le titre exact. D'ailleurs, est-ce que tu penses que le bois, c'est du frêne ? Il y a George Kennedy qui joue Ray Spruce, donc un acteur vétéran du cinéma américain qui est apparu par exemple dans pas mal de westerns et de films de guerre. Et de gros nanars aussi. Oh, oui, il tournait beaucoup. Hein. Il a joué quand même dans Le Clandestin, rappelons-le. Écoute, un film qu'on a vécu à une nuit nanarlande. Est-ce que c'était pas extraordinaire quand même, Le Clandestin? Oui. Mais oui. C'était oui. Quand même génial. Oui, c'était extraordinaire, mais bon. C'est. Quand tu vois que des... Eh bien, au moins, tu es cohérente, mais tu es et tu resteras toujours une connasse. C'est pas de la réplique culte, ça. Non, mais quand tu vois que des éléphants du cinéma américain terminent dans des trucs comme ça, tu dis, ah oui, quand même, Hollywood... C'est un de mes beaux souvenirs de nuit. Mais lui, en Irlande, c'est des beaux souvenirs, mais celui-là, qu'est-ce qu'on a ri dans la deuxième moitié, quand même. Vivement la prochaine. Mais sinon, George Kennedy, c'est aussi quand même, et c'est ce sur pourquoi je le connais le plus, étant donné ma génération, j'imagine, c'est la série des Y a-t-il un flic dans l'avion ? Ouais. Non, y a-t-il un pilote dans l'avion ? Y a-t-il... oui, pardon, oui. Y a-t-il un flic, c'est pour sauver... oui, c'est parce qu'il a joué, je crois, dans des Y a-t-il un flic, j'ai mélangé les deux dans ma tête. Oui. Il est aussi dans Le Mort sur le Nil de Guy Hermin, donc le vieux Mort sur le Nil, oui. Pas celui de Branagh. Bah moi, comme on en a déjà parlé, j'ai du mal avec les vieilles adaptations de Christie que je trouve trop proches du texte de Christie et donc trop coincées. Et ce qui marche à l'écrit, pour moi, ne marche pas. J'aime bien le grand spectacle à la Branagh pour Christie, pour oui. Le coup. Et il est aussi dans Virus de Kinji Fukasaku, que je conseille toujours si vous arrivez à choper la version longue. Bon, j'espère qu'elle sera rééditée un jour. Et il est aussi dans un truc appelé Le Bateau de la Mort. J'ai le DVD qui traîne depuis un moment, justement, en bundle avec Le Clandestin. Donc c'est probablement vachement bien. Voilà. Waouh. Ouais. De quoi se faire une petite soirée au petit. Waouh. Et l'autre actrice qui joue justement sa compagne dans ce segment-là, qui est une actrice vétéran, c'est Dorothy Lamour, qui joue Martha. Elle, c'est une actrice emblématique de la même période que Rita Hayworth, donc des années 30 et 40. Alors, comme elle est vaguement, très vaguement métisse, on lui faisait jouer en fait tous les rôles de femme exotique pendant une période. Vaguement, vaguement. Ouais. notamment dans une série avec Bing Crosby et Bob Hope, qui s'appelle la série des En route vers, où à chaque fois ils jouaient pas les mêmes persos, hein, mais à chaque fois c'était des comédies où ils partaient vers une destination exotique, et ils tombaient sur Dorothy Lamour qui jouait l'indigène dont un des deux tombait amoureux. Donc ça a l'air bien raciste. Waouh! Non, ça a l'air. Avec Bill Cosby en plus? Bing Crosby. Ah. Crosby, pas celui du Crosby Show. Oui, parce que je me disais, oui. Quoique. Parce que je me disais, quitte à être cringe, autant le laisser jusqu'au bout. Non, moi je me suis senti un peu mal en lisant l'affiche Wikipédia, genre tant béni des colonies, tu vois, on faisait ça à l'époque. C'était bien. Voilà. Ouais. Genre. J'ai du mal à recontextualiser. En fait, j'arrive à recontextualiser, mais j'ai pas envie de le voir pour autant. Genre Sean Connery qui, dans je ne sais plus quel film, joue un chinois, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un des James Bond où il se grime. Il joue pas un chinois, mais il se grime en asiatique. Ah oui, voilà, oui, c'était ça. Oh la vache. Par contre, c'est. Tout le monde n'y voit que du feu. C'est Christopher Lee qui a joué Fu Manchu, non? Oui. Oui. Et il y a aussi, évidemment, dans Diamant sur Canapé. Je sais plus qui c'est, mais qui joue le voisin chinois aussi. Et puis, bien, bien cringe. Heureusement, quelques années, enfin des dizaines et des dizaines d'années plus tard, on a Robert Downey Jr. qui dans Tonnerre sous les Tropiques joue un personnage où on se fout ouvertement de la gueule de ces clichés-là. Ouais. Ouais. Il est extraordinaire, son personnage dans Tonnerre sous les Tropiques. Ouais. Tonnerre sous les Tropiques est vraiment une très bonne comédie d'ailleurs, au passage. Bon, comme beaucoup de comédies de Ben Stiller, réalisées par Ben Stiller, je veux dire. Peut-être un peu plus inégal comme acteur, mais en réalisateur, il a plutôt un bon niveau. Oui. Au moment de Creepshow 2, Dorothy Lamour, elle n'avait pas joué depuis 10 ans. Bah, comme pas mal d'actrices de cette génération-là, en fait, leur carrière se ralentit à partir des années 50-60, et c'est son dernier rôle au cinéma. Ouais. On peut citer, entre autres, dans les autres acteurs et actrices qui jouent la conductrice du dernier segment, c'est Lois Childs, qui joue aussi dans Le Mort sur le Nil, et dans Moonraker. Et dans le dernier segment, elle est chouette. Oui, elle est très bien, elle, ouais. Vraiment, ouais. Les moments où elle divague totalement toute seule dans sa voiture, là. Ah, oh, j'ai écrasé quelqu'un, et encore. and over. L'autostoppeur est joué par Tom Wright. Ouais. Et donc, dans le segment Le Radeau, pour y revenir rapidement, même si aucun des quatre n'est vraiment emblématique. Dick est joué par Paul Satterfield, donc qui a été dans pas mal de sauts, dont Hôpital Central, pendant 3 ans, donc ça doit être à peu près un 50e de la totalité de l'Hôpital Central, qui existe depuis le 17e siècle, hein, évidemment. Jeremy Green dans le rôle de Laverne, il n'a quasiment rien fait d'autre. Dans le rôle de Randy, il y a Daniel Beer qui a une petite carrière après. Il est dans Point Break, mais ça reste limité. Apparemment, il a fait une crise d'hypothermie pendant le tournage. Et c'est Michael Gormick qui a dû insister contre tout le reste de l'équipe pour qu'il puisse aller à l'hôpital, tellement tout le monde était enragé pour que ça tourne. Ah ouais? Voilà. C'est le réalisateur qui a dit non, on arrête. Ouais. Ah putain. Et Rachel, elle est jouée par Paige Anna, qui a pas fait grand-chose, mais qui est la sœur de Daryl Anna, pour moi surtout de Kill Bill, mais aussi de Blade Runner en vrai, oui. Et de The Fury d'ailleurs. Mais qui joue donc, Paige Anna, une sœur qui a joué dans Kill Bill, qui a joué Helldriver dans Kill Bill. Et donc le Creep, effectivement, est joué par Tom Savini. Voilà. On va le voir, c'était Ed French qui devait le jouer, mais il y a eu des petits soucis avec lui. La photo est de Richard Hart, qui en dehors de ça a surtout été présent à différents postes, mais au département électro, et par Tom Hurwitz, qui est un directeur photo sur des séries et documentaires et téléfilms, dont Wild Man Blues, un chouette documentaire, mais sur Woody Allen, donc à vous de voir. D'accord. Le production designer, c'est Bruce Alan Miller, qui était aussi sur Le Jour des Morts Vivants, qui aujourd'hui travaille surtout sur des séries. À la base, les effets spéciaux devaient être tous gérés par Ed French, donc il devait aussi jouer le Creep, Mais la tâche était quand même vachement ambitieuse. Il voyait que la tâche était trop ambitieuse, donc il a appelé des gens en renfort, à savoir Howard Berger, qui vient avec son assistant Mike Tricic. Alors ça s'écrit T-R-C-I-C, j'ai pas la moindre idée de comment ça s'écrit. Mike Tricic, en fait je l'ai trouvé sous plein d'orthographes ce nom-là. Donc je ne sais ni comment ça s'écrit, ni comment ça se prononce, en fait, parce que les sources ne sont pas d'accord entre elles. Appelle-le. Ouais. Parce que t'attends. Et dans l'idée, Tricic devait s'occuper des effets du premier segment, Ed French du radeau, du deuxième segment, et Berger du troisième. D'accord. Mais Ed French n'a pas réussi à faire une créature convaincante, donc il est remplacé un peu au dernier moment par Berger, qui appelle en renfort Everett Burnell et Greg Nicotero. Oh la vache. pour le blob. C'est ça. Et Greg Nicotero va aussi en profiter pour superviser pas mal de trucs. Attends, du coup ils étaient 4 côté. Ils étaient beaucoup, mais qui sont venus quelques jours à la dernière minute. Pour au final faire un truc qui ressemble à un sac poubelle dégueulasse. Un beau sac poubelle. Il a l'air solide. Donc voilà, et Ed French ayant été un peu viré comme un malpropre, c'est pour ça qu'on va chercher Savini pour faire le creep. Ça nécessitait 7 heures de maquillage, apparemment. Le maquillage est plutôt réussi. Ouais. Et 5 heures pour les versions les plus avancées de l'autostoppeur dans le troisième segment, quand il ressemble plus à rien. Ouais, et il s'est fait passer dessus 50 fois. Qui lui aussi est plutôt réussi. Voilà. Bon, on peut parler un peu de tous les noms qu'on a cités, ceux qu'on n'a pas évoqués dans d'autres épisodes, parce que Greg Nicotero, Tom Savini, tout ça, c'est des gens dont on a déjà parlé. Ed French, il était déjà actif depuis quelques années, mais surtout au département maquillage spéciaux, c'est pour ça peut-être que faire une créature entière, c'était pas trop son truc. Ouais. Il est sur The Stuff de Larry Cohen, le réalisateur de Retour à Salem. Oui. on sait. C'est lui qui est sur Chud aussi, un autre film dont je suis pas ultra fan personnellement. Il est sur Massacre au camp d'été, Embrasse-moi vampire, Terminator 2, Midnight Meat Train, Dragon Ball Evolution, Sinister 2, Space Jam Nouvelle Ère et Donjons et Dragons, le dernier, dont tout le monde me dit du bien, mais j'ai tellement pas envie de voir ce film. Normalement, je le vois prochainement. Mais du coup, le mec passe de très bons films à des daubes intersidérales. Hein. Il faut quand même le remarquer. Même sur la qualité des effets, parce que Dragon Ball Evolution, c'est dégueulasse, hein, Le maquillage. Ah bah, il faisait partie des daubes intersidérales. Mais vu que tu l'as cité... Ouais, mais tu peux avoir des dômes intersidérales qui sont bien faites. Oui. Tu l'as cité un peu après Terminator, alors que Terminator 2, qui vaut effets spéciaux... Oui. Ouais, voilà. Il a été assez novateur. Même si, du coup, il a surtout fait les maquillages, je crois, sur Terminator 2, mais ils sont très chouettes aussi. Oui. Howard Berger, lui, il est très actif en maquillage, donc il est sur Le Jour des Morts Vivants, Evil Dead 2 et 3, Jusqu'en Enfer, Scream, Splice, The Cell, j'aime beaucoup The Cell. The Cell. Le premier film du réalisateur de The Fall. Oui, d'accord. Oui. Tarsam Singh. Oui, où il rentre dans les rêves du tueur, là. Ouais, c'est très, ça. Très bien, ça. J'aime vraiment bien ce film. C'est un peu le bordel, mais je le trouve très cool. Et il y a une putain de BO de Archer. J'ai envie de te dire, c'est un peu le bordel comme tous ces films. Hein. The Fall, ça a beau être l'un de mes films préférés. C'est un truc plus structuré, quand même. The Cell, vraiment, le scénario est dans tous les sens. Est-ce que tu as vu ces autres films? J'en ai vu certains, parce que du coup, j'ai découvert en début d'année Immortal. C'est bien, ça. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Alors que le film s'était pris une tollée de mauvaises critiques à sa sortie. Et, je sais pas, moi, j'ai bien aimé. Mais est-ce que c'est pas le cas de tous ces films? Parce que The Cell, c'est pas un film qui est aimé. Hein. J'ai l'impression que c'est un film qui est en train de gagner un statut, là, actuellement. Oui, oui, actuellement, mais alors qu'il y a plein de plans magnifiques, les scènes de rêve, il y a des idées de décor qui sont ouf. La combinaison en elle-même, très Cronenberg dans l'esprit. Ouais, non, il y a plein de très bonnes idées, et vraiment une très très belle BO en plus. Bah ouais. C'est un chouette film, The Cell. Ah, il me reste deux films de sa film à regarder, c'est sa version de Blanche-Neige, là, que je vois là, sous mes yeux, qui est dans ma DVD Tech de films à voir, qui est juste là. Et Renaissance avec, je chope le Blu-ray, avec Ryan Reynolds et Ben Kingsley. Je crois que ça, je l'ai vu et c'est pas ouf. Par contre. Ah ouais? Ouais. Bah écoute. Ça, on voit peut-être que je leur donne sa chance. Je dis ça parce qu'il y a Ryan Reynolds, c'est que t'aimes pas Ryan Reynolds, mais cela dit, moi non plus, je l'aime pas plus que ça. Bah ça pas un. Cela dit, je l'aime pas plus que ça non plus. Pour continuer un petit peu sur Berger, il est aussi sur Mulholland Drive, Le Premier Monde de Narnia, plusieurs Aja, La Colline à des Yeux, Mirrors et Piranha 3D, okay. Vanilla Sky, plusieurs Tarantino, plusieurs Rodriguez. Oui, il travaille avec des. Voilà. Et Werewolf by Night. Récemment. Marvel, celui réalisé par Giacchino. Oui, d'accord. qui était plutôt sympathique. Oui, effectivement. En tout cas, niveau... Et les maquillages, niveau maquillage, sont très, très réussi. Et en réalité, je ne l'ai pas mentionné parce qu'il était plutôt secondaire, mais il était déjà sur Misery, Darkseid, The Mist et La Ligne Verte. Ok. Voilà. Donc, grosse filmo. Ok. Les séquences animées sont gérées par Rick Cathison, comme dans le premier. La musique est de Les Reed, qui a fait quelques BO de films, mais il est surtout connu pour être auteur de chansons qu'il ne chantait pas lui-même. Mais c'est lui qui a fait pour Tom Jones, Delilah et It's Not Unusual. D'accord. Donc des chansons vachement connues. Ouais. Et Rick Wakeman, qui pareil n'est pas vraiment compositeur de BO, même s'il en a fait certaines. Moi je le connais surtout pour une carrière solo, mais je le connais surtout comme claviériste sur certains albums du groupe Yes. Je vois pas du tout ce que c'est. Alors c'est un groupe de rock progressif qui a commencé dans les années 60, je dirais Yes, ou tout début 70. D'accord. Qui est encore actif aujourd'hui. Et la particularité de Yes, c'est que j'ai l'impression qu'il y a rarement deux albums, en tout cas, qui passent avec la même composition du groupe. Ça a été un turnover de malade, ouais, comme groupe. Rick Wakefield y a été plusieurs années, mais je crois qu'il est pareil. Rick Wakeman, pardon, il y a été plusieurs années, mais il allait, il venait. Il y a des albums, il est là, il y en a d'autres, il n'est pas là, mais il est sur certains très bons albums, dont... Topographic Oceans, qui est un de leurs meilleurs. D'accord, je connais pas du tout ce groupe-là, tiens. C'est inégal selon la composition du groupe, et en fait, ça a tellement été le bordel, ce groupe-là, qu'il faut te figurer qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux groupes, Yes, qui sont tous les deux composés d'anciens membres, qui sont tous les deux tout à fait légitimes, parce que, en fait, il y a eu tellement de surdivisions du groupe que c'est un peu comme le... C'est un peu comme le Parti communiste, ça finit par partir dans tous les sens. Donc voilà. En fait, c'est un groupe d'idoles, mais à l'américaine. Bah, sauf que c'est eux qui choisissent d'aller et venir, tandis que les idoles, on les vire dès qu'elles sont trop vieilles, donc dès qu'elles atteignent les 15 ans. Alors peut-être pas, disons plutôt les 25. Ouais. Allez. Le chouette monde des idoles. Ouais. Mais donc voilà, un groupe très intéressant. Je suis content d'avoir pu le placer. Ok. Le film sort le 1er mai 87 aux États-Unis. Il rapporte 14 millions de dollars sur le sol américain, donc son budget, c'est pas mal. Ouais. En France, il sort le 16 décembre de la même année et il fait un peu moins de 120 000 entrées. Mais bon, est-ce qu'on pouvait en attendre plus d'un tel film? Je ne sais pas. Il n'est pas très apprécié en comparaison du premier. Le manque de moments horrifiques et la longueur des segments qui se traînent un peu y est reproché. Oui, clairement. Le segment qui convainc le moins étant globalement le tout premier, celui avec le vieux chef indien Tête de Bois. D'ailleurs, on peut en profiter pour faire un résumé rapide des deux autres segments. Le premier, c'est des... un couple qui tient une boutique, une petite épicerie, en aidant pas mal les Indiens installés dans la réserve locale, et qui se font tuer par un fils d'Indien qui a mal tourné. Et donc la vieille statue d'Indien qu'ils ont en devanture, en mascotte, va se réveiller et aller venger les propriétaires. Et le troisième segment, c'est une autostoppeuse détestable, non pas une autostoppeuse, une conductrice détestable, qui écrase un mec, qui fait un délit de fuite, sauf que le fantôme du mec revient et elle va l'écraser encore, encore, encore, voilà. Encore. Voilà. Jusqu'à se rentrer chez elle et bah, du coup se faire zigouiller. Voilà, c'est ça. Le film a actuellement 29% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place chez nous 43e entre La Cadillac de Dolan et Dreamcatcher, par rapport à ce qu'on a fait, et 2,8 étoiles sur Allociné, ce qui le place 26e à égalité avec Le Journal d'Helen Rinbauer et Jesse. Avec un message à la fin sur la frustration et le pouvoir des comics pour la calmer. Ouais. Voilà. C'est pas inintéressant, je trouve, comme non. message. Non, c'est vrai. Mais surtout que tout le film, qui dit film massellement, dit segment qui relie tous les segments. Ouais. Là, c'est du coup le gamin du premier, Andy. Parce qu'il me semble que le premier, c'était pareil. C'était un gamin qui lisait un comics. Oui. Mais alors, je sais pas le même acteur, donc je sais pas si c'est censé être le même perso. Mais enfin voilà, du coup, c'est quand même un gamin qui lit et qui du coup bah, vit des mésaventures entre chaque épisode de son comics Creepshow qu'il est en train de lire. Voilà. Qui est entièrement mise en scène en animé. Pas tout, il y a des vraies images aussi. Bah, au début et à la fin, ouais. Ouais. Ce truc a mangé Rachel, ça l'a mangé, mec. Mais c'est quoi ce truc, bordel de merde, c'est quoi? Je sais rien. Enfin, mec, toi qui lis des tas de bouquins de science, dis-moi ce qu'est fou là, cette saleté. J'ai rien lu là-dessus dans les bouquins scientifiques. Nick, ça a dévoré Rachel. Oh, ta gueule. Ah, Randy, tu crois qu'on pourrait la prendre de vitesse à la main? Toi, boucle-la, sinon je te jure bien que je fais un malheur. Je rigole pas, t'entends? Alors, tu crois qu'on peut la voir à la nage? T'as vu à quelle vitesse il a attrapé Rachel? Mais maintenant qu'elle a bouffé Rachel, peut-être qu'elle a plus faim. Eh ben, t'as qu'à essayer, Dick. On ferait mieux d'attendre. Elle finira bien par s'en aller comme elle est venue, et c'est pour ça qu'il faut attendre. Elle est arrivée en même temps que nous, je l'ai vue arriver. Elle nous avait sentis. Mais peut-être qu'elle est rassasiée, comme tu dis, et qu'elle partira. Mais si elle en veut encore... Mais donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire sur ce film. Encore une fois, sans avoir accès au livre, j'ai pas plus d'informations sur la production, et ça me fascine. Je vais être honnête, ça vous l'avez peut-être senti, il m'a pas fasciné assez pour non plus faire ma recherche à mort. Mais on va pouvoir passer à nos avis, je te laisse commencer. Alors, bon, du coup, pour l'avis, on va quand même plus se centrer sur le radeau, hein, par honnêteté pour le classement, et pour nos avis. Oui. Parce que clairement, malheureusement, pour Creepshow 2, bah, c'est pas le meilleur segment, le radeau. On parlera des autres segments en profondeur plus tard. Le radeau, bah, en fait, c'est comme, du coup, c'est comme la nouvelle. C'est, tu le regardes, tu passes un moment horrifique, pas trop désagréable, mais bon, tu l'oublies assez rapidement au final, hein, on peut dire ça. Moi, personnellement, le blob, je le trouve dégueulasse. Vraiment, je trouve que l'effet est raté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ressemble à un sac poubelle. Dans la nouvelle, il est pas trop... comment dire, il est pas trop... entre guillemets, parce que c'est une nouvelle, il est pas trop texturé. C'est-à-dire, on voit juste une espèce de nappe... en surface comme ça, noir, foncé, alors que là, vraiment, il a un aspect au-dessus de la surface de l'eau, et ça a un aspect vraiment de sac poubelle. C'est dégueulasse. Oui, après, est-ce que ça serait pas intéressant, une histoire de sac poubelle tueur? Oui, mais... C'est qu'il vole avec le vent et qu'il va se coller sur le visage des gens pour les étouffer. Oui, mais c'est pas ce qu'on est en train de voir. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on voit. Je le mets sur ma liste de projets après mon truc sur les attaques de chauves-souris à la bar mitzvah que je t'évoquais l'autre jour. Alors, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on se voit. Et en l'occurrence, il y a déjà des films qui ont fait ça. C'est un ennemi emblématique de Godzilla, je le rappelle. Hein, le tas de déchets radioactifs. Donc du coup, la critique... Même pas si radioactif que ça, même pas si classique que ça, parce qu'il a paru dans un film. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la critique de la pollution qui autodétruit l'espèce humaine a déjà été faite dans la série des Godzilla. Et du coup, ça rend bien mieux que ce qu'on voit là. Excellent. C'est un bon film, celui-là, c'est en plus. Edora ou... Oui, c'est ça. C'est, ouais. Je crois que c'est Edora. C'est un des plus atypiques, parce qu'il a un aspect très... Oui, il a une imagerie assez particulière, assez éclatante comparée au reste de la série de l'époque. Oui. Alors que finalement, le message de fond est quand même assez alarmiste. Pulps. Oui. C'est ça qui, justement... du coup, c'est assez déroutant. Ce que un des chouettes Godzilla de l'air chaud. Ouais. Mais celui-là est très bien, ouais, comme Godzilla. Mais bon, bref. L'aspect du monstre, en fait, moi, me fait plus... pas rire, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas effrayant, quoi. Il n'est pas effrayant pour un sou. Par contre, les effets... quand il absorbe et quand il dissout, eux sont réussis, je trouve. En fait, l'aspect du monstre, je me demande s'il n'aurait pas fallu partir vraiment sur un truc avec juste des liquides, type de l'huile. Oui, voilà. Mais c'était peut-être dur à gérer, niveau effets spéciaux, mais partir sur vraiment quelque chose qui juste flotte. Bah, comme une espèce de nappe de pétrole. Ouais, c'est ça. En fait, tout simplement. Je pense que ça aurait mieux rendu. C'était peut-être compliqué à mettre en place niveau effet, je sais pas. Peut-être. Le segment est pas totalement nul, mais bon, c'est pas pour ce segment-là que tu vas revoir Creepshow 2. Bah, je trouve qu'il est longué aussi, en plus. Le segment, et puis là, je trouve que la scène de sexe me dérange encore plus, moi, dans le... Ouais, parce que là c'est... Enfin, il y a pas de sexe, parce qu'il va pas jusqu'au bout, mais du coup, ça s'apparente en plus à une tentative de viol au début. Oui, oui. Donc oui, effectivement, c'est encore plus dérangeant. Parce que, pendant tout le segment, je me disais, ah, ils l'ont pas mis. Et arrive ce passage-là et commence à la déshabiller, tu fais « merde ». Et heureusement, bon, il a interrompu très rapidement parce que bah, elle se fait buter. Mais, bon. Mais c'est sûr qu'elle est largement moins attirante une fois morte. Oui, surtout quand tu lui fais dissoudre la gueule. Et lui, comme un petit bâtard, il en profite pour se barrer. Bon, après, là, on peut évoquer d'ailleurs que les fins sont différentes, même si on y reviendra plus tard. Oui, les fins sont totalement différentes parce que là, du coup, lui essaye de fuir... Il nage jusqu'au rivage, arrivé sur le rivage, il fait « Ah, je t'ai eu !» Alors que, bah, espèce de con, va te réfugier dans la voiture, au moins. Parce que du coup, bah, ce qui doit arriver arrive, la créature se projette et le chope sur le rivage. Bah oui, c'est logique en fait. Pour le coup, je trouve les plans où on voit la voiture, justement, qui nous fait voir le décalage, la voiture qui reste parfaitement calme avec sa musique. Ouais. Je trouve qu'il marche bien dans le côté, bah, il n'y a personne qui viendra, ils sont isolés, c'est la fin de l'été, donc il n'y a plus personne qui vient se baigner, c'est parce qu'ils étaient jeunes qu'ils ont accepté d'affronter le froid. Oui, parce que ça marche pas mal. On nous le dit au début de nouvelle, l'automne arrive. Mmh. Puisqu'on nous dit que l'eau est froide et tout et tout. On comprend très bien que oui, c'est plus l'été. Alors d'ailleurs, j'ai été tombé sur une interprétation de la nouvelle comme quoi c'était toute une métaphore du passage à l'âge adulte. Je suis pas persuadé, honnêtement. Je pense que c'est juste la fin de l'été. Je l'ai pas senti comme ça, en tout cas. Ouais, je pense pas qu'il y ait de message particulier dans cette nouvelle, sans vouloir la dénigrer. Et effectivement, le début est très long, mais comme le premier segment, pour le coup. Oui. Le début du premier segment est long, mais oh là là, tu te dis, mais allez au fait. Bah, le but, je pense, c'est qu'on s'attache au couple qui est bien joué pourtant, oui. C'est le vétéran, hein. Mais ça marche pas des masses. Ah, bah, pour le coup, pour moi, le premier segment n'est pas le pire du film. Je suis pas d'accord avec la vie globale, pour moi, c'est le radeau le pire. Il est un peu attachant quand même, le premier. Oui, il est vraiment trop long, c'est le plus long par contre. Il est trop long, mais je trouve qu'il y a quand même des petites tentatives par-ci par-là. Ouais, j'aurais bien aimé que la fin, pour le coup, je trouve, sans aller dans le gore, j'aurais aimé que la fin soit plus imaginative, oui. Parce que finalement, on n'a pas tellement de, entre guillemets, de récompense à la fin. Oui, et puis, les mises à mort sont très classiques, ouais. Que bah, c'est quand même une statue en bois qui reprend vie, quoi. Tu pourrais te dire, bah, fais des trucs originaux. Oui, c'est ça, il y aurait de quoi faire un peu mieux, je pense. Ah oui. Il y aurait eu de quoi faire mieux. Mais dans le premier, j'aime bien, en fait, la relation... camaraderie qu'il y a entre le vieux chef indien et le commerçant. Ouais. Tu vois, ce genre de choses. Je trouve qu'il y a un message positif, en fait, entre ces deux personnages qui viennent d'une, entre guillemets, civilisation différente, mais qui trouvent quand même une bonne entente. Oui. Et d'ailleurs, t'as ça qui est bien mis en avant avec, justement, la femme du commerçant qui avoue bah, que ça lui a ouvert les yeux, cette relation qu'ils ont, et que maintenant, bah... elle change un peu sur cet avis qu'elle a des étrangers et des gens qu'il faut aider ou pas. Oui, c'est peut-être celui où finalement Romero met le plus un message qui lui tient à oui. cœur. Je trouve que vraiment il y a un vrai message derrière et qu'il y a du coup plus de tentatives que dans le second segment. Après, je préfère quand même clairement le troisième. Oui. Qui en termes d'horreur pure fonctionne pour le coup bien mieux. Mmh. Bah, même s'il a un côté très comique, parce que c'est complètement oui. ridicule. Bah, en plus, le fantôme qui dit toujours la même phrase, ouais. Même une fois qu'il a la gueule en bouillie. Cet aspect running gag. Et puis le troisième renoue avec un truc du premier Creep Show, qui est que l'héroïne est détestable. Oui, non, ouais, elle est odieuse, en fait, tout du long. C'est vrai que dans Creep Show, normalement, les personnages qui subissent des mauvaises choses sont des connards finis. Mmh. C'est d'ailleurs le principe. Oui, c'est ça. C'est pour t'apprendre à... C'est pour te dire, arrête d'être un connard. on est content, en fait. Pour le coup, on est vraiment content qu'elle s'en prenne plein la gueule, quoi. On rit d'elle. Oui. On n'a pas envie d'avoir pitié de sa situation. Elle a écrasé quelqu'un, il y a eu des lits de fuite. Non, c'est bon. Mais oui, du coup, c'est le segment le mieux rythmé, au final. Où il se passe le plus de choses et qui est le plus drôle au final. C'est vrai que dans Creepshow, je m'attends quand même un peu à cet aspect comique. Oui, ou au moins comédie noire. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est celui où il y en a le plus. Alors je sais pas si c'est que c'était pas présent dans le scénario de Romero ou si c'est le réalisateur qui l'a enlevé. Parce que le chat noir qui a été adapté après, il renoue un peu avec ça aussi. Oui, aussi, oui. Pour le coup, s'il avait été dedans, ça aurait été le meilleur segment. Oui, clairement. Il n'aurait pas été réalisé de la même manière. Donc, Oui, c'est pas faux. Mais donc voilà, c'est au final, Creepshow 2, bah, comparé au premier, qui lui est vraiment un très bon film, bah, c'est décevant quoi. Alors après, c'est pas non plus. On est loin des grosses purges qu'on a pu aborder dans ce podcast. Hein. Bah, disons que ce qui joue en sa faveur, c'est qu'on a aussi vu Creepshow 3 avant. Donc. C'est quand même largement mieux. Oui, mais après, on a vu aussi d'autres énormes purges, quoi. Oui, mais si on reste au sein de la saga Creepshow, tu vois, ah, oui. c'est... On sait qu'on peut aller beaucoup plus bas. Oui, maintenant, on sait, oui. On a perdu notre âme d'enfant, on a perdu notre innocence. Attends, on n'a pas encore vu la dernière série en date. Hein. S'il faut, ça descend encore plus bas. Hein. Même à mon avis, elle aurait pas dû. Elle commence à durer depuis un moment. Oui, voilà. Elle aurait pas duré comme ça si c'était pas un minimum bien. Et puis j'en ai pas entendu si tant de mal que ça. Ouais, voilà, j'en ai pas entendu non plus des louanges extraordinaires. En fait, j'en ai pas entendu beaucoup parler. Ah voilà, c'est surtout ça en fait. C'est que, j'ai l'impression que pas grand monde regarde, mais du coup, ça ne veut rien dire. Ouais, mais du coup, je pense que c'est mieux, en tout cas, que Creepshow 3. Oui, ça c'est. Ça c'est une évidence. Mais donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur ce film. Les effets spéciaux des premiers et troisième segments sont mieux, hein, le chef indien est bien fait. Bah oui. Et l'autostoppeur qui s'en prend de plus en plus plein la gueule est très bien aussi. Ouais, très bien fait. Donc c'est vraiment celui du deuxième segment, peut-être parce qu'il a été fait dans l'urgence et dans un bordel absolu. Peut-être que c'est compliqué de faire un truc dans l'eau aussi. Peut-être. Mais oui, effectivement, le chef indien tête de bois, là, le moment où, tu sais, le chef indien vivant vient pour amener les trésors de sa communauté aux commerçants, quand il ressort, tu sais, t'as la statue qui commence un petit peu à bouger. Oui. Et lui, il le voit sur l'avertissement. Et vraiment, cet effet-là, devant mon écran, j'étais en mode « Wow, mais c'était bien fait, ça !» Et oui, quand il prend vie, effectivement, il est très bien fait. Du coup, c'est dommage qu'après, il est majoritairement montré dans l'ombre. Ouais. Mais après, ça, technique c'est d'économie, hein. Ça, c'est des questions de budget, voilà. Mm. Mais effectivement, les effets spéciaux sont bien mieux réussis dans le premier et dans le troisième segment. C'est Roger Corman derrière, hein. C'est déjà pas mal qu'ils aient pas trouvé une astuce pour pas que ça devienne un vrai indien, histoire de juste avoir à payer un pauvre acteur en slip. C'est vrai. C'est vrai qu'on a échappé au vrai sac poubelle pour le coup d'en haut. J'imagine quand même qu'il se pointe et qu'il jette deux sacs poubelles. Voilà. Et là, votre créature là. C'est bon, faites pas chier, merde. Et j'ai mangé un plateau de fruits de mer ce midi, vous voulez être des crabes tueurs aussi hein. Ça, c'est pour un futur podcast de films d'attaque d'animaux. Oh là là. Ouais, vraiment, il faut garder cette idée, hein. Il y a des trucs extraordinaires. La chaîne. Chinoise que je t'ai envoyé l'autre jour, il y a des perles dessus. Hein. Ah yes. C'est vraiment le sci-fi chinois, je pense. Ouais. Et on parle pas du tout chinois, enfin mandarin, mais je pense qu'on comprendra quand même. Ah non, mais ils sont tous sous-titrés en anglais, c'est ça qui est trop cool. Ah, mais c'est ça qui est extraordinaire. Ils sous-titrent en anglais. Il y a une volonté d'exportation. Elle est vraiment cool à ce niveau-là, cette chaîne. Bref, c'est un autre sujet. En attendant qu'ils adaptent du King, moi j'attends que ça. Je propose qu'on passe tout de suite à une séquence. Bah oui, bah allons-y. C'est parti. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Très bien, nous allons donc lire la fin de la nouvelle. Nous sommes dans l'édition de Brume au livre de poche. Les nouvelles sont traduites par Michel Pressé et Serge Quadrupani. Et nous sommes ici à la page 447. Cette nuit était interminable. Vers 4h moins le quart, le ciel commença à s'éclairer à l'est et il eut un faible sursaut d'espoir. Celui-ci fut éphémère, comme cette fausse aurore. Il resta debout sur les planches, les yeux mi-clos, le menton affaissé sur sa poitrine. Une heure avant, assis sur le radeau, il avait soudain été réveillé, alors qu'il n'avait même pas eu conscience de s'endormir, c'était ça le plus terrible, par cet indescriptible bruit de toile froissée. Il s'était dressé d'un bond sur ses pieds nus quelques secondes avant que cette substance noire ne commence à essayer de l'aspirer avidement entre les planches. Il respirait par saccades en gémissant. Il se mordit la lèvre jusqu'au sang. « Endormi, tu t'étais endormi, espèce de connard !» Une demi-heure après, la substance était ressortie de sous le radeau, mais il ne s'était pas rassis. Il avait peur de s'asseoir, peur de s'endormir, peur que son cerveau ne l'alerte pas à temps. Ses pieds étaient toujours bien carrés sur les planches quand, à l'est, apparut une lumière plus franche. Cette fois, c'était l'aube pour de bon, accompagnée des premiers chants d'oiseaux. Le soleil se leva et aux alentours de 6h, il faisait assez clair pour qu'il puisse voir la plage. La Camaro jaune vif de Deck était toujours là où celui-ci l'avait garé, l'avant contre le piquet de la barrière. Un désordre de chemises, de pulls et 4 jeans entortillés en petits paquets le long de la plage attirait le regard. Leur vue le remplit d'une horreur nouvelle, lui qui croyait avoir épuisé sa capacité à être horrifié. Il pouvait voir son propre jean, une jambe retournée sur l'envers, l'intérieur de la poche en évidence. Son jean paraissait tellement en sécurité là-bas sur le sable, il semblait attendre qu'il revienne et remettre la jambe dans le bon sens, en maintenant la poche comme il avait coutume de le faire afin que la monnaie ne s'en échappe pas. Il pouvait presque le sentir crisser le long de ses jambes, il pouvait se voir en train d'attacher le bouton de cuivre au-dessus de la braguette. « Est-ce que tu aimes ? Oui, j'aime. » Il regarda vers la gauche et elle était là, noire, ronde comme un pion de jeu de dame, flottant, légère. Les couleurs commencèrent à tournoyer à sa surface et il détourna vivement les yeux. « Retourne chez toi, » croissa-t-il. « Retourne chez toi ou va en Californie essayer de te faire engager pour un film de Roger Corman. » Un avion vrombit quelque part au loin et il sombra dans une rêvasserie. On a signalé notre disparition à tous les quatre, les recherches s'organisent à partir de Horlicks. Un fermier se souvient avoir été dépassé par une Camaro jaune qui fonçait comme une chauve-souris surgit tout droit des enfers. Les recherches sont concentrées sur la région de Cascade Lake. Des pilotes privés se portent immédiatement volontaires pour des survols du secteur et un type, passant au-dessus du lac avec son Bischriff Twins Bonanza, voit un môme debout, nu sur un radeau. Un seul môme, un seul survivant, un seul. Il se reprit au moment où il allait basculer et s'envoya à nouveau un coup de poing dans le nez qui le fit hurler de douleur. La substance noire fila d'un trait vers le radeau et se glissa en dessous. Elle pouvait entendre, peut-être, à moins qu'elle ne sente... ou autre chose. Randy attendait. Cette fois, 45 minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne ressorte. Lentement, son esprit se mit en orbite dans la lumière montante. « Est-ce que tu aimes ? Oui, j'aime applaudir les Yankees et le poisson-chat. Est-ce que tu aimes le poisson-chat ? Oui, j'aime le Route 66. Souviens-toi de la corvette George Maharis, dans la corvette Martin Milner, dans la corvette. Est-ce que tu aimes la corvette ? Oui, j'aime la corvette. J'aime. Est-ce que tu aimes ? Si chaud, le soleil est comme un verre brûlant. Elle était dans ses cheveux et c'est la lumière, ce dont je me souviens le mieux. C'est la lumière de l'été, la lumière de l'été de... » L'après-midi, Randy pleurait. Il pleurait parce qu'il y avait encore autre chose à présent. Chaque fois qu'il essayait de s'asseoir, la substance se glissait sous le radeau. Elle n'était donc pas complètement dénuée d'intelligence, alors. Que ce soit par intuition ou par déduction, elle s'était rendue compte qu'elle pouvait l'avoir s'il s'asseyait. « Fiche le camp !» Randy sanglotait devant le grand grain de beauté noire qui flottait sur l'eau. À 50 mètres de là, ironiquement proche, un écureuil sautait sur le capot de la Camaro de deck et redescendait en folâtrant. « Fiche le camp, s'il te plaît, va n'importe où, mais laisse-moi tranquille, je ne t'aime pas. » La substance ne bougea pas. Les couleurs se mirent à traverser en tournoyant sa surface visible. « Est-ce que tu m'aimes ?» Randy s'arracha à ce spectacle et tourna les yeux vers la plage en quête d'un secours, mais il n'y avait personne, pas âme qui vive. Son jean gisait toujours là-bas, une jambe à l'envers, la doublure blanche d'une de ses poches bien visible. Il n'avait plus l'air d'attendre que quelqu'un vienne le ramasser. On aurait dit une relique. Randy pensa, si j'avais une arme à présent, je me tuerais. Il était debout sur le radeau. Le soleil commençait à décliner. 3 heures plus tard, la lune apparut. Peu après, les plongeons commencèrent à crier. Peu après cela, Randy se retourna et regarda la substance noire posée sur l'eau. Il n'avait aucun moyen de se tuer, mais la substance noire pouvait peut-être s'en charger de telle sorte qu'il ne souffre pas. Peut-être que les couleurs étaient là pour ça. Est-ce que tu aimes ? Il la chercha du regard et elle était là, elle flottait, chevauchant les vagues. Chante avec moi, croissa Randy. Je veux, depuis les guerres radins, encourager les Yankees. Je n'ai pas à m'en faire à propos des profs, je suis si heureux que l'école soit finie. Je vais chanter et chahuter. Les couleurs se rassemblèrent et se mirent à tournoyer. Cette fois-ci, Randy ne détourna pas les yeux. Il murmura : Est-ce que tu aimes ? Quelque part, au loin, de l'autre côté du lac désert, retentit le cri d'un plongeon. Et maintenant, la fin dans le film. Je t'ai bien eu. Très bien, donc pour le coup, alors que l'adaptation est plutôt fidèle jusqu'à ce stade, hein, grosso modo, jusqu'à la mort de la dernière compagne de Randy, il y a vraiment des gros écarts qui sont entre les deux versions. puisque dans la nouvelle, donc, le héros sombre dans la folie, ouais. Et il entend plus ou moins la voix de la flaque, qui est du blob, on va reprendre ton terme, qui essaie de l'attirer comme s'il tentait de le charmer, en fait, comme s'il avait un peu envie d'avoir un ami en plus de vouloir l'absorber. Bah, c'est un truc que le blob, du coup, fait, même aux autres personnages, on a l'impression dans la nouvelle, hein. C'est quelque chose qui semble, enfin, qui est totalement absent dans le segment de Creepshow 2, alors que c'est un peu évoqué en surface dans la nouvelle, que c'est comme s'ils étaient happés psychiquement, en fait. Ouais, avec les couleurs qui sont mentionnées, voilà. Qui sont des reflets, quelque chose qui attire, les lumières mortes, peut-être. Peut-être. Les mecs qui font des liens tout le temps. Et donc, bah, ils sombrent un peu dans la folie, on comprend qu'il va se laisser happer, finalement. Ouais. Alors que bah, dans le segment de Creepshow 2, on l'a dit, on l'a évoqué, il fait une tentative de fuite et il se fait rattraper alors qu'il est sur le rivage. Une fin, finalement, bien plus... dans l'esprit Creepshow, au final, oui, le mec oui. Qui croit s'être évadé, il peut se faire rattraper parce qu'il est un peu con. Plus Creepshow est plus spectaculaire. Oui, aussi. C'était peut-être compliqué à adapter le côté hypnose, folie, hypnose de la machine, sa voix dans la tête. Oui. Déjà que c'est un sac poubelle, si en plus le sac poubelle avait parlé, je suis pas certain. Le ramassage, c'est le jeudi soir. It's garbage day. Tu sais, comme dans... Douce nuit sans grand Windows. Oui. Je l'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'était un bon choix d'adaptation. Après, la fuite est un peu molle, je trouve. Oui. Même là, c'est pas oufissime. Mais c'était une bonne idée. En soi. Oui, clairement. Ouais, pour mieux coller à l'esprit Creepshow, encore une fois. Oui. Mais oui, le vrai problème, c'est la réalisation globale, en fait. Qui manque de punch. Ouais. Je comprends l'idée d'avoir supprimé l'aspect très pulp de la réalisation du premier, mais il aurait peut-être fallu trouver une autre idée remplacer ça, parce que là, c'est vrai qu'entre la photo et tout, et la musique qui est pas ouf, parce que j'ai dit qu'il a fait la musique, mais j'en ai pas dit ce que je pensais, elle est vraiment pas ouf. Oui, tout est moins bien. Ouais. Même les séquences animées, elles font beaucoup plus cheap que dans le premier. Ouais. Tu vois, même là, ça, moi, je les ai trouvées cool, mais parce que j'avais en tête, encore une fois, celle du 3, quoi. Ah oui. Non mais oui, mais celle du 3, c'est horrible. Ouais. Là, on est typiquement dans le cas où il y a une bonne idée de vouloir s'éloigner de la nouvelle, mais où, pour plusieurs raisons, ça fonctionne pas vraiment. C'est ça. Ce qui est dommage, même si, encore une fois, le dernier plan sur la voiture avec la musique, ça, c'est pas trop mal. Oui, même si normalement, la musique toute la nuit, il n'y a plus de batterie. Ça, c'est sur Vette Tatillon. Alors, je crois qu'ils écoutent du rock, donc si, il va y en avoir... Putain, j'avais pas compris. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à en dire. Je pense qu'on va pouvoir classer ça. Si toi t'as rien à ajouter non plus, on va effectivement pouvoir passer au classement. Donc l'heure de classer le radeau, The Raft, The Raft c'est autre chose. Pour les écrits, nous avons actuellement 46 écrits, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et La part des ténèbres, tandis que les 5 derniers sont La pastorale, L'année du loup-garou, Dr Sleep, Le cinquième quart et Grand chauffeur. J'en ai même dit 6, non j'en ai bien dit 5. Non, t'en as bien dit 5. Donc, le radeau. Donc, comme dit en tout début, en parlant de la nouvelle, pour moi, ça se rapproche un peu du même esprit que le dentier claqueur, que Poids lourd, tiens, exactement, oui. Aussi. Mais pour le coup, je pense que j'ai pris plus de plaisir à lire Poids lourd et le dentier claqueur. Poids lourd, je suis sûr, le dentier claqueur, ouais, aussi, à cause de la scène de sexe, ouais. Voilà. Et peut-être même la pastorale. Mais peut-être même la pastorale, au final, hein. Par contre, pas que l'année du loup-garou, faut pas déconner. Non, là, l'année du loup-garou, on commence à vraiment baisser en qualité. Mais pour moi, ouais, entre la pastorale et l'année du loup-garou. La pastorale, c'est vraiment très court. efficace, ça va. Oui, voilà, c'est ça, c'est efficace, court, ça va à l'essentiel, voilà. Puis cette idée de faune qui passe le gazon, c'est quand même rigolo. Oui. En fait, vraiment, le radeau, il n'y aurait pas cette scène ultra cringe là, bah, ça sera au-dessus. Mais malheureusement, elle est là et on ne peut pas l'effacer. Ouais, Donc, voilà. bah, le radeau entre la pastorale et la nuit du loup-garou, si ça te Ouais, va. ce qui lui donne la nouvelle 43e place. Et bah voilà. Et donc le fait rentrer dans le flop 5, mais qui est loin d'être aussi catastrophique en livre qu'il l'est en film. Oui, clairement. Pour les adaptations, il y a donc 63 choses pour le moment, autant que d'épisodes. Avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Mikael Havstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Misery de Rob Reiner, donc 5 films que nous vous conseillons ardemment. Et aux 5 dernières places The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mist de Christian Thorpe, donc la série, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr. Sleep de Mike Flanagan. Creepshow 2, en prenant quand même en compte surtout le segment central, Oui. même, je veux dire, en prenant en compte le segment central, déjà, c'est au-dessus de Creepshow 3. Oui. Voilà, donc. Par contre, je suis... Si on remonte à Creepshow 3, pour moi, c'est au-dessus de Détour Mortel, parce qu'il n'y a pas tout le côté... C'est moins beau visuellement, largement, mais il n'y a pas tout le côté vengeance que Oui. j'aime pas. Non. C'est quand même un peu mieux fait que Maximum Overdrive, pas de beaucoup, mais bon, c'est moins long. Ouais. Quatuor à 5, moi, elle m'ennuie quand même pas mal. Ouais, pareil. Démon du Maïs 4, c'est lequel déjà? C'est celui avec le Mercure. Ah oui. Ouais, donc la seule scène qui est bien. Ouais, la fin, la toute fin. 5-2, il est très ennuyeux. Sekdos, il m'énerve, parce que c'est du gâchis en plus. Oui, parce que quand on voit le roman. Ouais. Dolan, un peu fait chier aussi, quand même. Dolan, c'est quelconque. Ouais. Là, pour moi, si on prend vraiment en compte Que le que le segment. radeau, c'est peut-être quand même en dessous de Sagdos. Peut-être même en dessous des démons du Maïs 4. Ouais, si on prend en compte que le segment, je pense que je le mets en dessous des démons du Maïs 4. Ouais. Si on prend tout en compte, si on se dit, ouais, le reste compte quand même, en ce cas, je le mets en dessous de la tour sombre. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que pour Quicksilver Away, on avait pris que le. On s'était laissé influencer quand même hein, pour Quicksilver Highway. Il est bien placé et c'est en partie grâce au premier. Oui, quand On même. va pas se mentir. Hein. Il est... Quicksilver Highway, il est à la 21e place Ouais. pour l'instant. Donc entre Darkseid et Children of the Corn Runaway. C'est quoi normalement le segment de King de Quicksilver Away? C'est le dentier Ah oui, claqueur. c'est le dentier claqueur. Et on s'est laissé influencer par le premier. Donc moi, je dis on peut donner quelques petits C'est points pour les autres quoi? segments. C'est Clive Barker? Ouais, c'est ça, avec le chirurgien. Ouais. Ouais, bah en dessous de la tour sombre, hein. Ouais. Ça te va, toi? Ça me va. Donc, il prend la nouvelle 46e place en dessous de La Tour Sombre de La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, toujours notre deuxième épisode. C'était l'épisode qu'on avait pris comme référence pour Ouais, le. c'est ça. Mais donc, c'était le deuxième, parce que le premier, c'était la bonne référence, donc Oui. c'était Cimetière. Là, De c'était la Marie Lambert. mauvaise référence. Ouais. Et en dessous de, au-dessus de la Cadillac de Dolan de Jeff Beasley qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Qui est très ennuyeux. Et on s'était fait chier, hein, Ouais. globalement. Alors que la nouvelle, bon, elle est pas extraordinaire, mais elle est quand même bien supérieure à l'adaptation. Globalement, là, on est vraiment dans la partie du classement où c'est pas encore nullissime, mais où on s'ennuie quand même beaucoup. Ouais, voilà, c'est Et, ça. ouais. Et en parlant de qu'est-ce qu'on va avoir les prochaines fois, donc là c'est le moment du tirage au sort. Hein. Ah, le moment que nous-mêmes on attend Ouais. fortement. C'était moi qui avais tiré les évadés. Donc c'est à Ouais. toi de commencer. Vais-je avoir la main chanceuse? Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai rajouté quelques petites choses de 2022-2023 au chapeau, donc on peut tomber sur des trucs récents. J'en ai un. Attends, ils se battent. Ah, j'en ai un. Voilà. Il s'était accroché avec un autre petit bout. Merci. Alors. J'ai tiré. Oh putain. Eh ben, il va y avoir de la lecture. Hein. Alors moi moins parce que enfin je l'ai remis mais. Parce que j'ai tiré 22-11-63. Ah oui. Donc il va avoir de la lecture et du visionnage. Et du visionnage, je pense que c'est une saison. Il n'y a qu'une saison, mais elle est solide dans mon souvenir. Et c'est un gros pavé de plus de. Pas loin de 1000 pages, ou plus de 1000. Ouais, c'est le quatrième plus long derrière Dôme, ça et le fléau. Je le vois d'ici, là, dans ma bibliothèque. Alors pour le coup, je pense que je vais le relire, parce que je l'aime beaucoup. Je suis curieux de voir comment ça a été adapté, ça, pour le coup. C'est un gros morceau auquel il est temps de s'attaquer. Alors, je l'ai commencé, mais j'en suis à la 133e page. Tu te souviens de ce qui s'est passé, hein. Sur 1000 et quelques. J'ai été jusqu'au moment où lui y va, en fait. Tu sais, où il y a déjà été une fois, il revient. Ouais, il a fait le test. Voilà. D'accord. Donc là, il y va de manière définitive. Oui, tu lis un peu plus de romans ces derniers temps, donc ça va peut-être aller plus facilement. Toujours un livre à moi à lire, mais. Et celui-là, en prévision aussi, je me le suis déjà pris en édition audio. Ah oui, donc tu pourras le lire un peu au boulot. Voilà, je pourrai le lire un peu en fond quand je fais autre chose, voilà. Et donc, moi, qu'est-ce que je pioche ? J'ai... Ah, et puis du coup, de Bridget Carpenter, j'ai oublié de nommer... Celle qui fait la série. Voilà. D'accord. La showrunneuse. Et moi, j'ai pioché... Eh bien, j'ai pioché une adaptation assez classique d'un livre dont on a déjà parlé, Les Vampires de Salem, de Tob Hooper. Ah, de Tob Hooper. Donc, c'est la dernière fois qu'on parlera de Salem. Et de Tob Hooper. Quoique, il y a un autre film Salem qui sort en fin d'année, merde. Et ça sera la dernière fois qu'on parlera aussi de Tob Hooper. Oui, effectivement. Parce qu'il avait déjà réalisé Mangler. Donc, je ne l'ai pas vu, sa version de Salem. Moi non plus, paraît-il qu'elle n'est pas si dégueulasse que ça. Ouais, elle a bonne réputation, globalement. Donc, on verra. Donc, je suis curieux de voir ça. Très bien, donc ça nous fait, niveau visionnage, ça nous fait, et lecture, ça nous fait un gros morceau et un autre plus léger. Quand même. Parce que Salem, on n'aura pas besoin de le relire, voir ça de prix. Oui. Vous pouvez nous retrouver, en attendant, sur les réseaux sociaux, déjà. Oui, sur Twitter, @cinémaarchiviste pour toi, @Christ... Christ... Chris The Lost Tales, pour moi. Chris Lost Tales. Je crois que c'est Lost Tales, je crois pas qu'il y ait deux œufs. Bah, Chris Lost Tales. C'est de toute façon dans la description, hein, je mets toujours le truc. Vous pouvez retrouver Chris et probablement moi au moment où cet épisode sortira sur Twitch, sur la chaîne Lost Tales aussi. Voilà. Où il y a aussi Gensuga qui fait pas de podcast avec nous, mais il est sympa quand même. Ouais, c'est un gentil garçon. C'est surtout ton pote, hein. Ah bah d'accord, merci, ça lui fera plaisir. Mais il paraît qu'il est sympa. Voilà. Vous verrez le Discord dans la description. Si on fait d'autres choses, on vous préviendra de toute façon dessus et sur Twitter. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour 22-11-63. Je vous conseille de le lire si vous en avez envie, de vous y mettre tout de suite avant la sortie de l'épisode, parce que vous en avez quand même pour un petit temps. Ah, effectivement. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.